Rubén María Vera, président du mouvement du 26 mars de l'Orgueil, a fait parvenir un message de félicitations le 11 courant au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, à l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung. Le destinataire formule la solidarité absolue et adresse les félicitations au maréchal Kim Jong-un, qui conduit de façon clairvoyante et à la tête la lutte contre l'impérialisme.